qu'elle est lourde à porter. L'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit un jour, lorsque je m'en irai vers les lointains pays au-delà de la terre, vous ne pleurerez pas, vous lèverez vos verres et vous boirez pour moi à mon éternité. Dans le creux de mes nuits, alors je voudrais bien boire à son souvenir pour lui rester fidèle. Mais j'ai trop de chagrin et sa voix qui m'appelle se plante comme un clou dans le creux de ma main. Alors je reste là, au bord de mon passé, silencieux et vaincu pendant que sa voix passe. Et j'écoute la vie s'installer à sa place, sa place qui pour autant demeure abandonnée. La vie de chaque jour, aux minuscules joies, veut remplir à tout prix le vide de l'absence. Mais elle ne pourra pas, avec ses manigances, me prendre mon ami pour la seconde fois. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami. Qu'elle est lourde à porter, l'absence de l'ami.